fais quoi au monde, tu es peur. Pour être sûr de contrôler ce monde, fais quoi au monde, la terreur. Pour que ça avons le pouvoir du monde. Faites peur au monde pour qu'il puisse croire. Faites peur au monde, faites peur, faites peur. Propagez la peur par les pieds, de formation truquée. Faites propager ainsi l'espoir d'être récompensé par le pied d'illusion. Fait propager, la peur. Yeah, yeah. Et la seule solution est d'espérer. Fait peur, propager, propagande de peur. Fait peur, oh. Solution d'espérer qu'un jour faites propager, mais personne ne propagande. La propagande que c'est aujourd'hui qu'on vit, et que c'est aujourd'hui qu'il faut profiter d'être en vie. Car demain, qui te dit que ces conditions seront là pour que tu puisses être en vie aujourd'hui. Oh, yeah, yeah, yeah.